amateur, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, et ces cons, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Salut les filles, super content d'être de retour sur Skyrock. Non, je dis n'importe quoi. Bon, non, je sais pas, j'aimais bien, il y avait une super ambiance de jeunes et tout. Pourtant, bon, qu'il n'y avait pas les drôles de dames, c'est vrai que ça fait tellement sérieux, ils sont tellement. Alors qu'avec Powell, on se marre, tu vois, il y a un côté, une ambiance. Alors, on a faut donner l'information à nos auditeurs. Ouais, mais c'est une autre manière de la traiter. Moi, je trouve que ça fait du bien. On a eu quand même le fameux avocat de l'Oyindoula, là, le fameux maître Sopiqué à la viande et au poulet, qui nous a parlé de son client et qui nous a dit cette phrase magique, donc qu'on a retenu tous. Il joue en RFA. Donc déjà, autant te dire que le mec est à bloc. Il est aussi bien que l'avocat que l'agent de Ribéry. Et qu'il voulait. Alors surtout, il joue en RFA. Il voulait lui aller de l'autre côté. C'est quand même très rare en général. Il y a quand même très peu de mecs qui veulent aller jouer en RDA, à part Polo. Évidemment, Polo qui était le seul que ça faisait kiffer en 89 quand il était petit devant sa télé à la chute du mur. Là, il s'imaginait dans une Trabant. Ouais, mais c'était vachement mieux à l'époque. Ouais, mais c'était dans une Trabant à Rostock. Bien sûr. À bégoter une belle grette. Mais tu viendras sans Paoli, tu verras les choses différemment, c'est le dit mon gars. Ah bah si tu me coupes pendant que je fais mon truc. Ah bah ouais, je mais peux bon. Pas dire ma phrase. Tu fais pareil nous quand on dit des trucs sérieux. Ouais, mais vous dites des conneries. Non mais justement, quand on dit une connerie, c'est beaucoup plus grave. Bon bref, donc tu m'as coupé, donc je vais passer à autre chose. C'est bien, heureusement, il y a mais des fois d'accord, au moins ce qui est bien, c'est qu'il écoute. Bon, il comprend pas tout, donc du coup, il peut pas réagir. Mais... Oh les salauds, surtout que c'est pas vrai. C'est vraiment pour attaquer un mec qui est pas là. Bref, donc passons, je sais même plus ce que je disais sur Polo, les Bleus, alors l'équipe de France. Alors on a appris, et c'est marrant parce que l'équipe de France, c'est un peu comme les soirées en boîte, hein. Personne veut être capitaine, sinon tu peux pas rentrer bourré, pas obligé de conduire, donc les mecs, ça les fait chier, quoi. Ils préfèrent encore se taper des putes et aller porter plainte pour vol de montre et tout ça. Donc le Portugal, alors on vient apprendre que le Portugal, alors grosse coupe, que leur problème, c'est la finition. C'est vrai qu'ils sont bons dans la construction, c'est les vrai. Fondations, le gros œuvre. C'est nickel, mais les finitions, c'est toujours dégueulasse. C'est bon, c'est vrai qu'en général, tu les fais toi-même. Tu laisses jamais un Portugais faire les finitions chez toi, parce que sinon, il y a des couleurs, c'est Valérie Damilo, quoi. Demande s'il n'est pas portugaise, Valérie Damilo, quoi. Au passage, en tout cas, d'adoption, c'est sûr. Elle a pas la moustache. Ouais. Oh, à mon avis, tu sais, il y a des très bons maquilleurs M6. Hein. Tu je crois sais de quoi je parle. Bah, attends, on voit jamais rien de mes herpès et de mes boutons acné. Hein. Algérie, Cameroun. En même temps, c'est à 2h du matin, il n'y a personne qui regarde. Ouais. Oh, détrompe-toi, ça fait deux fois l'audience de l'after. Oh, oh hey, les mecs, comment ils parlent trop mal des RMC, t'as vu? Deux fois moins. Ils crachent dans la soupe. Oh le bâtard. Si la soupe est dégueulasse, à un moment donné, tu craches. Ça donne du goût. Bâtard. Algérie, j'ai très beau Glavio moi. Algérie, Cameroun. Alors les mecs ont appris. Alors j'aime bien ce qu'ils disent. Ouais, c'est annulé. Moi, je la connais l'histoire. Les mecs du Cameroun, ils ont appris que ça allait passer sur ma chaîne sport. C'est que je dis, t'es gentil quoi. Dis non merci. On n'est pas la sélection du Zil Pilou Pilou. Nous, faut pas déconner. On a fait quart de finale en 90. Ma chaîne sport. Pourquoi pas 11-0 ou Gulli quoi. Il y a un manque de respect quand les mecs ils disent non, on vous donne des primes en liquide. Mais j'en ai rien à foutre mon vieux. Moi, je passe pas sur ma chaîne sport avec deux Portugais qui commentent. On comprend rien ce qu'ils disent. Nabil n'est pas portugais. Oh, c'est pareil quoi, portugais tout ça quoi. Enfin, c'est... ah, bref, quoi. Hein, Daniel, on en parlait en antenne. Oui, j'ai même pas besoin d'en parler, tu vois, il le fait. Bon, ouais. La Belgique, alors la Belgique surtout avec surtout ce qui nous a fait plaisir, c'est d'avoir Stéphane Pauwels. Stéphane Pauwels qui n'est pas de la famille d'Assafa Pauwels, hein, évidemment. Ah, c'est vrai que ça a vraiment rien à voir. Même si son penchant pour les joueurs comme Moussa Mazou et Haruna laisse présager un plus grand amour de l'athlétisme que du football. Hein. C'est vrai que c'est vrai qu'on pourrait croire qu'Assafa Pauwels c'est son cousin. C'est vrai que les deux là, c'est quand même deux mecs à Monaco. Ils comprenaient pas qu'on court sur le terrain de lancer du javelot alors que la piste autour était libre. Enfin, ça n'avait aucun sens. Au stade Louis II, non, parce que Stéphane, lui, c'est vrai qu'il était superviseur pour les clubs. Il était superviseur, la différence des attaquants, lui, eux, qui visaient super mal, hein, les mecs qui prenaient, lui. Donc, c'est vraiment un truc qui les différencie. Alors, Stéphane Pauwels, c'est vrai, moi, je me suis un peu renseigné sur lui parce que on en parle beaucoup, mais on sait pas qui c'est. En fait, il est né à Moucron. Alors, Moucron, c'est la ville où a été créé, enregistré le tube Born to be Alive, il faut le savoir, de Patrick Hernandez. Alors, on se dit, pourquoi il est allé à Moucron, l'autre? En même temps, le titre en français, c'est Né pour être vivant. T'as pas un français qui va produire un truc pareil, quoi. C'est tellement con. Il y a qu'un belge, faut dire, Né pour être vivant, mais c'est très bien. Franchement, c'est très bien vu, hein, Né pour être vivant. Je rappelle que leur sélection s'appelle les Diables Rouges, au cas où on penserait que le diable est vert, tu vois. Donc, ils ont besoin quand même de, ils sont un peu binaires, si tu veux. Bon. Stéphane Pauwels, bah, on connaît sa verve, évidemment, hein, vous avez vu, c'est magique, hein. C'est vrai, quand on l'entend parler, on on imagine qu'il a fait Sciences Po Namur ou Sup de Co Ostende, et ben non. Il dit non, je te jure. Encore que lui, il dit, attends, je suis pour les techniques, hein, je suis technique des deux pieds. Non, son parcours est simple, hein, on va pas se mentir. Il a fait disque jockey, maître nageur et géo du Club Med. Hein, j'invente rien, je vous jure que c'est vrai. Mais géo, c'est le truc où tu dois t'occuper d'une bande de jeunes en vacances et tu dois les motiver à faire des activités sportives alors qu'ils veulent qu'une chose, c'est rouler des pelles à des gonzesses et boire des cocktails. C'est marrant, ils ont passé à lui à l'AS Monaco quand même. C'est quand même. Bon. En même temps, géo du Club Med en Belgique, c'est concept, hein, faut inventer quoi. C'est bienvenue, tout ça cher, le roi. Derland, Irlandada, y'a pas de soleil, y'a pas de nana. Derland, Irlandada, y'a de la brune quand il pleut pas. Derland, Irlandada, pousse la banane et moule kawa. Oui, c'est vrai que. Non, en même temps, pousse la banane et moule kawa à Charleroi, c'est délicat parce qu'à une époque, il y avait un géo du Club Med qui s'appelait Marc D. Dont je cite. Qui avait tendance. Lui, il s'occupait des enfants, mais il avait tendance à pousser la banane et à moudre le kawa et du coup, ça faisait pas marrer tout le monde. Là, Gilbert, il dit merde. Merde. Pesanti, écoute. Non, c'est bon, t'inquiète pas, Starcy. Il est couché, il n'y a pas de match en Nouvelle-Zélande. La Belgique, c'est aussi la gastronomie. Enfin bon, on va pas en parler beaucoup. Je vois que ça va vite. Donc, les sportifs belges. Alors, moi, j'irai en parler des sportifs belges. C'est quand même beaucoup de vent. Hein. Les sportifs belges, c'est beaucoup de vent. C'est Van Niep, Van den Bor, Van Sternbergen, Van der Elst. Et puis surtout que quand tu mises la fierté de ton pays sur des hasards ou des brels, tu peux pas aller bien. Pas mal. Alors, moi, France-Belgique, j'ai essayé de me rappeler, c'est quoi France-Belgique? Alors, France-Belgique, c'est surtout le fameux match pour la troisième place de 86 où les Belges mettent leur équipe type. Et les Français, ils mettent les coiffeurs en face. Alors les mecs, ils disent, putain, c'est la boule, on perd 4-2 contre des coiffeurs. C'est vraiment la honte, merde. À la limite, tu perds contre une équipe de maçons, une équipe de policiers, une équipe de montagnes. C'est viril. Mais des coiffeurs, c'est quand même des tapettes. C'est des terlouses, hein. C'est vraiment la honte. Et en même temps, pour ceux qui pensent qu'un flic, un maçon et un motard, c'est plus viril, je les invite à aller voir les clips de Village People. Disponible sur le blog de Fred Hermel, rimelcuremoustache.com. Le tout attaché avec des menottes en peau de léopard, évidemment. Donc voilà, donc c'est quand même plaisir de savoir qu'on va jouer contre la Belgique. Et je voudrais terminer avec une petite chanson sur un joueur belge. Mais comment rendre hommage à un joueur belge si c'est pas pour prendre le plus grand des chanteurs belges, qui est évidemment Gilbert. Johnny. Et non. Plastic Bertrand, évidemment. Plastic, je dis, il faut pas que je dise Jacques Brel, c'est un piège. Il est trop malin, tu m'étonnes, c'est le patron. Non, comment il s'appelait le chanteur belge, tu sais, d'origine italienne qu'on a eu l'autre jour. Claude Barzotti. Adamo. Non, Adamo. Frédéric François. Qu'on a eu une fille. Grâce à Powell, parce qu'on a vu, t'étais là. Mon cœur te dit, je t'aime. Enfin, lui, il paraît qu'il est sicilien, le mec. Enfin, si toute la mafia, c'est sa famille, on peut dormir tranquille quand même. La mafia sicilienne avec Frédéric François. Bref, on l'embrasse. Et donc, une chanson sur Eden Hazard avec Plastic Bertrand, ça va être très dur, elle est inchantable. Hein, donc, je demanderai à tout le monde d'avoir un petit peu d'indulgence. C'est parti! Et hop le bébé, moule frites au petit déjeuner avec la bière qui fait rôter dans son biberon comme un repas pour bien s'entraîner. On n'a rien trouvé d'aussi bon pour en faire une graine de champion. Allez hop le mouflet, gratte la balle avec les pieds, les mains, tu les gardes pour pisser ou pour voir ton picon, petit con morpion. On est le pays du ballon rond, pour se doper on se pique. À la lèvre, à la gueuse larmique, ouais! Eden Hazard! Eden Hazard! Hey! Eden Hazard! Hazard! Eden Hazard! Wouh! Hey! Eden Hazard! Merci, bonsoir, une fois! Wouh! Tu peux pas la refaire? T'es complètement. Parce qu'il aurait reste 1 minute 43 là. Alors, allez, je te la refais si tu veux parce que. Allez, t'as été tellement vite. Attention, c'est reparti! C'était punk, hein. Allez hop, le bébé, moule frite au petit déjeuner avec la bière qui fait rôter dans son biberon comme repas pour bien s'entraîner. On n'a rien trouvé d'aussi bon. On va faire une graine de champion. Allez hop le mouflé, gratte la balle avec les pieds, les mains, tu les gars pour pisser ou pour boire ton picon, petit con morpion. On est le pays du ballon rond, pour se doper on se pique. À la lèvre, à la gueuse lambique, c'est reparti. Eden Hazard, Eden Hazard, Eden Hazard, Zard, Zard, Zard, Zard, Eden Hazard. dans les bacs. À vite.